Je sais que c'est bon. Là, tu vas être beau, alors le matin, où est Daniel? Le matin, on est avec Daniel. Je vais te marier avec le lundi. Voilà. Je vais être beau, alors le matin.